voir conditions en magasin. Vous rêvez d'agrandir votre maison, de créer une pièce lumineuse en plus ou encore de couvrir votre piscine? Alors, pensez Rénoval. Jusqu'au 30 novembre, Rénoval, le premier réseau national de véranda et abris de piscine, vous offre 50% sur les options des 200 premières vérandas extensions vendues. Voir modalité en magasin ou sur rénoval.com. Rénoval, la véranda attitude. Écoutez, vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. Oh, cette musique me dit quelque chose. Oui. Donc je vais vous poser la question, à quelle époque se déroule l'histoire du film? Dans les années 40 ou les années 20? Je parle évidemment des Animaux Fantastiques 2. Les années 20? Les années 20, vous nous avez appelé, vous avez gagné des cadeaux absolument magnifiques, des places de cinéma, des livres édités par Gallimard Jeunesse et même la figurine de Norbert Dragono. Le livre est absolument somptueux, on l'a feuilleté ensemble. Merci à toute l'équipe, bon week-end. On va tout de suite retrouver Julien Courbet. Comment ça va, mon Yves? Bien, bien, bien. Bon, parfait, mais écoutez, je n'ai qu'à vous souhaiter un bon week-end moi aussi. Et moi, je vais vous écouter avec plaisir. Ah oui, dites donc Capital. Hein. Où on parle de vous, notamment de vos appartements en Suisse, au Liechtenstein, de cette société que vous avez au Luxembourg, de ces montres que vous revendez. Mais je crois qu'il vaut mieux jouer franc jeu. Oui, oui, absolument. Et vous voyez, les gens, finalement, le ministre à qui j'ai donné votre nom et vos coordonnées l'a très bien pris. Il a très bien compris. Et voilà. Donc, regardez les nouvelles techniques donc, du fisc dimanche soir et vous allez voir que les experts de Miami sont maintenant des rigolos à côté de ceux du ministère de la Finance. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment. Elle ne s'arrête jamais, c'est une machine. Merci beaucoup aussi. Allez, nous allons démarrer. Nous avons des missions pour vous en ce vendredi. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, car il y aura Stéphane qui nous dira ceci. Je vous appelle du Var. Une compagnie aérienne a commis une erreur sur mon billet électronique. Mon vol atterrissait 15 minutes après celui de la correspondante. J'ai donc dû me loger et me nourrir sur place pendant 3 jours. On devait m'indemniser depuis mai dernier et je n'ai toujours rien reçu. Histoire de fou que nous avons traité hier avec un dénouement, je l'espère, aujourd'hui. On lui vend donc les îles Paris via une escale, sauf que il est prévu dès le départ que l'avion de l'escale partira plus tôt qu'avant qu'elle arrive. Donc elle ne pouvait pas l'avoir de toute façon. Exactement. Et pas de remboursement. Nous aurons le cas de Géraldine également. Nous l'avons traité hier. Gros dossier sur lequel nous revenons aussi ce matin. Je vous appelle de Loire-Atlantique. Sur l'annonce de l'agence de la maison, elle était en bon état et habitable immédiatement. Je l'ai donc achetée en toute confiance. Malheureusement, un mois plus tard, la maison prend l'eau de partout. Il faut que je refasse la charpente et le toit terrasse et il y en a pour 30 000 euros. Et puis écoutez bien l'enquête que Charlotte vous propose ce matin avec un serrurier qui l'incite à faire une fausse déclaration. Petit extrait. Il est obligé de détruire le cylindre. Bah après, il faudra prévoir le remplacement du cylindre, mais il vous le dira, le technicien. Et puis après, bon, bah, on essaiera de faire en sorte que vous fassiez rembourser par votre assurance, ma foi. Ah, mais, c'est possible, ça? Voilà, on vous met les mentions nécessaires sur votre facture. Vous dites pas que vous avez oublié vos clés, hein, parce que sinon, c'est de votre faute. Si vous n'avez pas oublié vos clés, c'est pas de votre faute. Si vous les avez oubliées, c'est de votre faute. Donc, ils vous remboursent pas. Et nous aurons pour régler tous ces problèmes la dream team de l'émission. Il y a Maître Felono, votre avocate. Bonjour Nathalie. Il y a Bernard. Bonjour à tous. Charlotte, Céline, JB, toutes les équipes d'Alain Hazard sont là. C'est une réalisation de Xavier Kassovitch. Voici l'émission qui, chaque matin, par la médiation, tente de régler vos problèmes. Elle est sur RTL, la première radio de France d'ores et déjà. Bon week-end. Et pour nous joindre à n'importe quel moment en direct, vous pouvez faire le 32-10. 50 centimes d'euros la minute. Gratuit, Facebook, la page ça peut vous arriver ou encore RTL.fr. Et le vendredi, vous le savez, nous revenons souvent sur les dossiers qui ont traîné cette semaine ou sur les grosses affaires qui n'ont pas été débloquées. Et hier, c'est vrai, Maître Felono, que nous avons eu Stéphane. Stéphane, femme d'ailleurs. Stéphane, rebonjour. Bonjour Julien. Allez Stéphane, bonjour, pour le plaisir. Équipe. Pour le plaisir, racontez-nous une nouvelle fois juste les horaires. Hein, les horaires d'avion qui vous ont été vendus, départ d'où pour arriver où? Alors, simplement, je partais de Saint-Martin. J'aurais dû partir de Saint-Martin et arriver à Pointe-à-Pitre 15 minutes après le départ du vol Pointe-à-Pitre-Paris. C'était réglé comme ça dès le début. Voilà, ça a été vendu comme ça. Donc, évidemment, ça n'a pas été possible, car rattraper un avion qui est parti déjà depuis 15 minutes, même en courant très vite, certains ont essayé. Oui. Ils ont eu des problèmes. Ils n'ont pas pu le rattraper. Donc, elle est obligée de rester sur place, Maître Felono. Trois jours. Three days. Donc, il y a ça à rembourser parce qu'elle n'est pas restée trois jours pour prendre le soleil. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre vol. Exactement. Donc, hôtel, restaurant, donc des frais imputables à la faute de la compagnie aérienne. Et on veut les remboursements. Et depuis le mois de mai, Stéphane, vous n'avez rien, on est d'accord? Alors, je n'ai rien reçu, j'ai juste eu un appel hier après-midi. Évidemment, évidemment, car RTL est intervenu, Bernard Sabat a pu appeler la grande compagnie, et il faut le dire, et je le dis pour toutes les grosses compagnies qui nous répondent tout de suite, que ce soit AXA, que ce soit La Poste, quand on appelle Air France, pour l'instant, à chaque fois, dans les heures qui suivent, ils disent « il y a eu un problème, ça peut arriver, on gère je ne sais combien de billets par an, donc maintenant on s'en occupe tout de suite ». Et comme par hasard, deux heures après, l'Air France a pris ses responsabilités, et que vous ont-ils dit, Stéphane ? Alors, j'ai une personne qui m'a d'abord présenté leurs excuses. Ils vont me rembourser et en dédommagement me font un geste commercial en me donnant 400 euros d'avoir sur un prochain voyage. Ça, c'est ce qu'ils vous ont dit ? Oui, d'avoir. Voilà. Et d'avoir. Oui, Maître Fellono. Non. Vous n'êtes pas content, Maître Fellono. J'en connais un surtout qui n'est pas content. Évidemment. Oui. C'est le Bernardo, Bernard. Oui. Écoutez, donc j'ai rediscuté donc avec Air France suite à ce ghost feel, ce qui m'a surpris, qui m'a gêné. Et donc à partir de là, j'ai dit à Air France qu'il faut revoir la copie. Et ils ont revu leur copie, ils ont fait la proposition suivante. Julien, je vais vous la lire et je vais la lire à Stéphane qui n'est pas au courant. Donc on va bien lui rembourser les 530 euros initialement prévus, des frais engagés, ce qui était logique. Et ils vont lui proposer deux choses. Ou un chèque, Julien, de 600 euros en monétaire, ou bien un avoir de 800 euros. C'est à Stéphane, de choisir. Pourquoi vous voulez que ça devienne un homme tout d'un coup ? C'est non, parce que je pensais à Guy Stéphane, l'équipe de France. C'est n'importe quoi. Heureusement que vous ne pensiez pas à une actrice qui s'appelle... Enfin bref. Mais heureusement qu'il est aussi bien. Hein. Il y a un vrai choix à faire maintenant, Stéphane. C'est soit, réponse A, 600 en cash, des bifetons, ou en B, 800 et c'est un avoir. Donc vous partez sur la compagnie, dans la destination que vous voulez. Vous pouvez appeler, si vous voulez, votre mari... Ou alors il a le 50-50, c'est-à-dire que vous avez la moitié de tout, mais ça n'a aucun intérêt. Que choisissez-vous, Stéphane ? Alors, je vais choisir le cash. Elle prend le cash, donc 600 euros. Bravo Air France. Oui. Voilà, encore une fois, ce n'est que du dialogue. Nous discutons avec des gens intelligents. C'est une grande compagnie, sérieuse. L'une des meilleures au monde, ça a été reconnu. Donc, je n'hésite pas à leur chanter maintenant. C'est ça, Air France. Merci Stéphane de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup à vous et merci pour votre compétence. Et à très bientôt Stéphane, dans quelques instants. Au revoir Stéphane. Un cas donc immobilier hier, assez intéressant également. Voulez-vous nous en dire un petit peu plus, Charlotte, s'il vous plaît ? Oui, Géraldine pensait acheter un bien en très bon état. Elle s'est retrouvée dans une maison au toit complètement pourri. Il y en aurait pour 30 000 euros de travaux. Hier, nous avons eu un dialogue un peu houleux et je le déplore parce que je vous assure, j'aime tellement quand ça se passe bien, mais c'est vrai, bon, ça fait partie aussi de l'émission qu'avec l'agence locale, ça a été un petit peu musclé, on s'est raccroché au nez, le ton est monté pour une raison très simple. C'est que cette auditrice, et là il y a une vraie réflexion à avoir, et elle va avoir lieu dans quelques instants sur RTL, et je vous conseille de l'écouter, achète Maître Fellono un appartement avec une annonce qui est très claire. Elle est dans la vitrine, l'annonce, elle est certainement sur des publications. Elle est alléchante. Où il y a marqué « Très bon état ». Couverture tuile, tout à l'égout, habitable immédiatement. Très bon état. En français, très bon état, ça veut dire que l'état est impeccable. Or, il s'avère que la toiture est complètement à refaire, elle est pourrie. Et donc j'appelle le monsieur du Century 21 local et je lui dis, alors qu'il n'y ait pas de confusion, c'était celui de Pont-Saint-Martin, je lui dis, monsieur, mais pourquoi marquer très bon état si l'on constate que la toiture est pourrie ? Il me répond, on ne peut pas connaître, monsieur... l'état d'une toiture, nous agents, dans ces cas-là, je le comprends, c'est un vrai argument, évidemment que l'agent immobilier, il va pas monter, mais on n'écrit pas dans ces cas-là très bon état, ou on écrit très bon état au rez-de-chaussée, mais toiture, on n'en sait rien. Et là, bien sûr, après tout de suite, c'était, mais on connaît votre émission, monsieur Courbet, on connaît, vous cherchez toujours le ci, le là. Maintenant, la question est là, et nous allons la reposer dans quelques instants, avec peut-être un interlocuteur qui sera en ligne. Oui, tout à fait, nous serons avec une personne qui est la responsable du service client Century 21. Voilà, Maître Fellono, quelque chose à dire ? Oui, en fait, pour moi, il y a deux fautes commises par cette agence. La rédaction de cette annonce, effectivement, puisqu'il n'y a eu aucune vérification préalable pour faire de telles affirmations. Mais surtout, lors de la visite, avant même toute signature, on a vu qu'il y avait une fuite. Et il a été stipulé dans la promesse de vente que cette fuite allait être réparée. Cette fuite, elle n'a pas été réparée, ça a été du colmatage. Et là, l'agence n'a fait aucune vérification. Production des factures de réparation, ça aurait été tellement simple de s'apercevoir s'apercevoir qu'il n'y en avait pas finalement. Alors nous allons en parler dans quelques instants, nous allons marquer une pause et nous aurons peut-être l'explication, essaierons de comprendre pourquoi, que valent finalement ces annonces. D'ailleurs vous nous direz s'il y a eu des jurisprudences. Mais quel, oui, comme oui, le week-end arrive, Maître Felloneau, j'avais quand même une question à vous poser. À choisir, si vous deviez faire la bagatelle avec moi, ouais, vous la feriez 1. Pendant la pub du feuilleton Les Experts. 2. Pendant l'écran pub entre le Canal Football Club et le match de 21h. Ou 3. Dans le parking rapidement, juste avant que ma femme arrive. Bah, la pub, déjà, c'est long pour vous. Ah bah, c'est ça. Et ça, ça me tue parce qu'à l'époque, elle a raison. Elle a raison, à l'époque il y avait beaucoup moins de pubs, maintenant c'est des écrans qui font 6-7 minutes. Oui. On a le temps d'aller se doucher, d'aller chercher une cuisse de poulet au frigo. Allez, on va se retrouver dans quelques instants, mesdames et messieurs. Merci quand même de m'avoir humilié devant la France entière, Maître Felloneau, vous voyez. J'ai voulu faire le malin, et bien le boomerang est revenu. Et là, vous m'avez causé énormément de tort. Déjà, vous voyez, j'ai 3 textos qui viennent d'arriver de 3 rendez-vous potentiels que j'avais ce week-end et qui me disent, papy, tu peux rester chez toi. Merci beaucoup. Vous êtes sur RTL, bon week-end. Cet hiver, Mastercard et Disneyland Paris célèbrent 90 ans de magie avec Mickey. Animations, spectacles, gâteaux d'anniversaire géants et de nombreuses autres surprises sont au programme. Grâce à Mastercard, faites partie des heureux privilégiés et assistez aux festivités pour l'anniversaire de Mickey. Découvrez d'autres expériences tout aussi magiques avec le programme Priceless Cities de Mastercard sur priceless.com. Passez une bonne matinée sur RTL. Juliette, regarde. Tadam ! T'as un iPhone, toi ? Hé hé ! Avec les super promos Leclerc, l'iPhone 6 avec 32Go de mémoire et reconnaissance digitale est à 349€. Pour cet iPhone ? Non, je le crois pas. Si, et avec en plus 50€ de ticket Leclerc. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. L'iPhone 6, 32Go, gris sidéral, Apple, est à 349€. Avec en plus 50€ en ticket Leclerc. Vendu seul, compatible tous opérateurs, voire modalités et magasins participants sur www.i-tech.leclerc. Je peux le voir ? Oui, mais alors de loin. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisir au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver à partir de 356€ TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Soko, cuisine équipée. Cuisine en 6 lettres. C-A-D-E-A-U. C'est cadeau. Du 7 au 30 novembre, Soko vous offre 150€ par tranche de 1000€ d'achat. Et ça, c'est so wow. Soko, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur soko.com. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération exceptionnelle. Les jours carburants. Le carburant à prix coûtant jusqu'au 20 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bon, j'ai compris. Pour l'assurance vie, tu me conseilles la France Mutualiste. Mais pour la voiture de mon fils, tu passerais par qui ? Ben, la France Mutualiste. Ils font les deux ? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart, si tu veux. On est bien chez eux, alors ? T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, la France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Imaginez. Votre nuque est soutenue, votre dos reposé, vos jambes sont allongées. Vous êtes dans un fauteuil de grand confort. Les plus grandes marques de fauteuils de relaxation s'invitent chez Topair. Osez le confort absolu. Venez essayer les fauteuils Stressless et la gamme scandinave Relax. Plus de 40 fauteuils à essayer en toute sérénité. En ce moment, conditions exceptionnelles. Espace Topair, Paris 15e, 3000 m² pour vos envies de canapé, de mobilier, de literie. 63 rue de la Convention, ouvert 7 jours sur 7. Topair.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Nous revenons donc sur le cas de Géraldine. Elle espérait s'installer avec son fils dans une belle maison parfaitement saine, mais au premier orage, la maison est complètement inondée. Le toit serait à refaire entièrement. Alors, rappelons hier que nous avons eu le vendeur, puisque Maître Felloneau, juste avant que la signature ne soit effective chez le notaire avec l'agence, il était question de refaire justement un peu la toiture, puisque Géraldine qui est en ligne avec nous. Géraldine, bonjour. bonjour. Vous aviez noté qu'il y avait quelques infiltrations, des choses comme ça, lors on est d'accord. Lors de votre visite. Oui, ça se voyait déjà au niveau du garage. Donc, il y a eu ces petits travaux qui ont été faits, et voilà ce que hier, quand on l'a appelé, le propriétaire a reconnu humblement. Oui, j'ai fait les travaux. Ouais. D'accord, mais vous, c'est votre métier ? Non, c'est pas mon métier. J'ai fait avec un ami qui est du métier et c'était pas la toiture qui mais prend. Mais est-ce que, parce que si on fait jouer. On n'a pas touché à la toiture qui prend. On a fait le toit terrasse. C'est pas la même chose. D'accord, mais si on fait jouer les assurances, etc., suite au procès, votre ami, il l'a fait officiellement avec une facture, etc. Ou... Ah non, on a fait ça tous les deux. On a fait ça tous les deux. D'accord, donc il n'y a aucune assurance qui pourra couvrir vos travaux. Ah non. Bon, ça, après, on a le droit. Il n'y a aucune loi qui empêche quelqu'un de refaire une toiture, mais quand on le refait soi-même, il n'y a plus d'assurance, il n'y a rien. Maître Fellono. Alors, effectivement, le minimum aurait été de le dire. Mais ce qui est important, c'est qu'en reconnaissant qu'il est monté sur le toit, le vendeur a vu l'état de ce toit-terrasse. Or, les photos sont tout à fait éloquentes. Ce sont, vous savez, des toits plats qui sont recouverts d'une espèce de couche de revêtement qui se décolle. Ce sont, comme on dirait, des gros scotch, en fait. Et il n'y a eu que du colmatage. Or, il est arrivé après la signature définitive, un énorme orage. Et à l'occasion de cet orage, un expert est venu et a préconisé des travaux. Et lorsque les ouvriers sont venus faire les travaux et qu'ils ont gratté un petit peu, ils ont trouvé une humidité absolument anormale dans les plafonds et ils ont constaté que même la charpente était totalement moisie et abîmée. Ouais, c'est-à-dire que voilà. Le toit est à refaire entièrement. Exactement. Bien. Alors, Bernard, je crois que nous attendions un retour et ça a été très rapide aussi, il faut le reconnaître, puisque souvent quand on appelle Century 21 dans les heures qui viennent, on a tout de suite un retour. Et exactement, c'est Hervé Pouchol qui avait contacté donc Laurent Vumont, le président du groupe, et qui a demandé justement à ce que son service à client puisse parler. Et je crois que nous avons Marie-Caroline Martin qui est en ligne avec nous. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Soyez la bienvenue, nous sommes en direct donc sur l'antenne d'RTL. Donc moi la question juste madame Martin, c'est qu'hier, bon, et je le déplore, hein, vraiment j'ai eu un échange un peu musclé avec une agence, mais bon ça fait partie du débat, ça n'enlève en rien le sérieux de ce monsieur, mais je lui posais la question, si vous voulez, c'est venu du fait que je lui ai dit « Monsieur, pourquoi marquez-vous sur l'annonce que la maison est en très bon état ?» Les mots ont quand même un sens. Il me répond « Mais monsieur, on ne peut pas monter sur le toit, on ne peut pas savoir dans quel état est la maison. » Et ce à quoi je lui dis « Alors dans ces cas-là, ne marquons pas très bon état, parce que pour le client, en plus, il est marqué T1 bis rénové. » Donc il y a plein de mots comme ça qui laissent croire qu'on peut habitable tout de suite. Il se trouve que la toiture est complètement pourrie, d'après ce qu'on a cru comprendre avec les différents experts. Donc voilà, on voulait en savoir un petit peu plus et comment la cliente qui a fait confiance à Century 21 peut se sortir de ça. Alors, j'ai entendu votre émission d'hier, j'ai pu écouter en replay. C'est vrai que j'ai entendu votre cliente dire que c'était en très bon état, effectivement apparent, puisqu'elle a pu emménager à l'issue de son acquisition, que le bien était visiblement loué. Je n'ai pas emménagé, je tiens à le dire. Je n'ai jamais emménagé la maison. Ah, j'avais compris que vous aviez emménagé et que c'était j'ai jamais un emménagé mois. La maison. Bon, d'accord. Allons-y, avance. Le bien était habité précédemment et donc semblait être donc habitable. Très bon état, l'agent immobilier, comme l'a dit votre avocat, l'agent immobilier n'est pas un professionnel de la construction. Donc effectivement, lorsque on peut noter sur une annonce très bon état, c'est un très bon état qui est apparent au regard de ce qu'on peut voir lorsque l'on visite, des investigations qui peuvent être réalisées, mais qui ne sont pas des investigations d'un professionnel de la construction. Vous l'avez dit, les personnes ont dû monter sur le toit. Mais pourquoi on ne le précise pas, madame ? Ils ont enlevé les tuiles, ils ont pu voir que la charpente... D'accord. Donc ça mais semble madame, comme est-ce que l'on peut dire... Donc, est-ce que je peux dire ce matin, sans me tromper aux auditeurs qui nous écoutent, que quand il est marqué dans une agence Century 21 très bon état, ça ne concerne pas la toiture, parce que vous n'y montez jamais, qu'il faut faire très attention, ça ne concerne que ce qu'on voit, mais qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les murs quand il y a marqué très bon état à Century 21, et on ne connaît pas l'état de la toiture. Alors, ça, on peut le dire. Alors, c'est pas qu'on peut pas dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand on dit très bon état, c'est ce qui est apparent. Voilà, c'est bien vous ça. Vous disiez que c'était un vice caché. C'est quoi un vice caché finalement ? Ah ben pas une toiture pourrie, madame. C'est quoi un vice caché ? Un vice caché, c'est un vice qui n'est pas apparent. Monsieur Courbet, tout à fait. C'est un vice qui n'est pas apparent. Donc même un professionnel de l'immobilier, donc, qui n'est pas, je le rappelle, un professionnel de la construction, bien sûr. Le vice caché, par définition, je suis ne le verra d'accord. Pas. Donc c'est pour ça que je dis à tous ceux qui nous écoutent, quand il y a marqué très bon état, ça ne veut strictement rien dire, puisque ce qui est caché, notamment la toiture, c'est ce qui coûte le plus cher dans une maison. L'agent immobilier Century 21 ne le voit pas parce qu'il ne monte jamais sur le toit, ce que vous venez de me confirmer. Alors, vous l'auriez vu tout alors, de suite. Madame, en tout cas, je vous donne la parole. Laissez-moi juste marquer une toute petite pause. Je suis navré. Après, vous aurez tout le temps de nous dire tout ce que vous voulez, mais vraiment, on prendra l'heure s'il le faut. À tout de suite. Monoprix, tu sais que tu veux tout tout de suite quand petit déjà, tu rêvais d'avoir un téléphone qui fasse sèche-cheveux, piano, ouvre-boîte. Et tu sais que tu veux vraiment tout tout de suite quand tu utilises l'appli Monoprix et moi parce qu'elle fait carte de feed, liste de courses, coupe-fil, coupon personnalisé et même la retouche photo. Ah non, ça elle le fait pas encore. N'attendez pas, téléchargez vite l'appli Monoprix et moi. Et en utilisant l'un des coupons de votre appli, 5 euros sont crédités sur votre carte. Monoprix jusqu'au 31 décembre à la première utilisation de coupons sur l'appli. Voir conditions de la carte et de l'offre sur monoprix.fr. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. En ce moment, ce sont les tickets d'or dans les magasins U. Thomas demande à l'accueil du magasin. On gagne quoi avec les tickets d'or ? Des euros carte U. 3, 5, 10, 15, 250 euros à verser sur votre carte U. Il suffit de gratter votre ticket remis à partir de 25 euros d'achat ou l'achat d'au moins un produit de marque partenaire. Il y a 6 millions d'euros carte U en jeu. 6 ? Non. Si, 6 millions. Jeu avec obligation d'achat du 6 novembre au 2 décembre sur présentation de votre carte U. Les euros carte U gagnés sont à verser jusqu'au 9 décembre à l'accueil du magasin. Règlement du jeu sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. Vous avez hâte de rentrer chez vous, non ? Ah, je vous vois déjà vous détendre au coin du feu. Et tout ça grâce au conduit et sortie de toit Pujula. Facilité d'installation, confort et économie, ça change la vie. Un projet de chauffage ? Trouvez votre installateur Pujula sur pujula.fr. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers ? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Oui, quoi encore ? Ben on a un pépin, je suis chez Lidl, ils ont croqué les prix. Aujourd'hui et demain, le sachet de 2 kg de pommes golden est à 1,99€. 1,99€ les 2 kg de golden ? Mais c'est infernal ! Vous avez raison patron, hein, c'est un prix d'enfer, hein, mais c'est le vrai prix. Hein. Et Origine France, c'est délicieuse golden. T'as fini, oui. Et ben c'est bien vous qui vouliez les prix Lidl, non ? Oh, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 115-150, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous revenons donc sur le cas de Géraldine. Nous avons la chance d'avoir Madame Martin, responsable du service client Ceinturie 21, et nous avons un débat sur cette fameuse toiture qui est certainement le poste le plus cher quand il faut la refaire, puisque là, cette toiture est charpente. Juste l'arrêt de cassation, s'il vous plaît. Je donne la parole après sans l'interrompre à cette dame. Moi, cet arrêt de la cour d'appel, parce que ce sont des décisions qui sont rendues au cas d'espèce, hein, c'est-à-dire à chaque dossier, il y a une décision. Alors, on rappelle que le professionnel est tenu à une obligation d'information et de conseil et qu'il doit donc collecter toutes les informations qu'il a et les donner à l'acquéreur, mais qu'il doit aussi se renseigner lui-même sur tous les points d'une certaine importance, c'est-à-dire tous ceux de nature à influer sur la décision de l'acquéreur. Cour d'appel de Douai, première chambre, section 1, 12 mai 2016. Madame Martin, je vous écoute sur ce cas. Bah écoutez, dans le réseau Ceinturie 21, on s'attache évidemment toujours à délivrer cette obligation et à investiguer au maximum. Là encore, on a terminé notre échange sur un vice qui est caché. Non, il ne l'était pas, madame. Je vous assure, si vous étiez montée sur le toit, j'ai les photos, vous l'auriez vu tout de suite. Il suffisait de monter. Donc, comme vous l'avez dit et précisé, il y a eu des diagnostics qui ont été réalisés. Le monde, l'univers de la transaction immobilière est très réglementé, ce qui est très très bien d'ailleurs. Donc, des diagnostics obligatoires ont été réalisés. Aujourd'hui, c'est vrai que des agences peuvent monter sur des toits lorsqu'ils sont accessibles. Enfin, pas sur le toit, mais peut-être dans des greniers ou par des trappes, des échelles, etc., quand c'est accessible. Après, il n'est pas dans les obligations d'un agent immobilier monter sur un toit. Alors, je vous pose la question donc différemment. D'accord. Je vous pose différemment la question, donc, Madame Martin. Que fait Ceinturie 21 pour une cliente qui est rentrée dans une agence parce qu'il y avait une annonce avec marqué très bon état, habitable, rénové. Tout de suite, T1 rénové, et qui s'aperçoit que la toiture et la charpente est complètement pourrie suite à des expertises, et vous pouvez en diligenter d'autres si vous voulez. Que faites-vous pour ce client ? Alors déjà pour ce client, je voudrais lui assurer, je suis vraiment tout à fait, c'est regrettable que les travaux qui ont été réalisés entre le compromis et l'acte authentique n'aient peut-être pas été suffisants. Pour mémoire, et je l'ai vu par rapport à l'acte authentique qu'on m'a montré, les réparations ont été réalisées, dixit l'acte authentique, dans les règles de l'art. L'avez-vous vérifié L'avez-vous vérifié, madame? Alors moi, madame, je suis... Votre agent local. Alors, écoutez, ça a été noté dans l'acte authentique. Après, moi, je n'étais pas présente, nous n'avons pas accès au dossier. Oui, mais est-ce que vous avez demandé à l'agent Ceinturé 21 Pont-Saint-Martin si quelqu'un avait pu vérifier? Parce qu'après, sur l'acte authentique, on peut marquer n'importe quoi. Moi, je peux marquer, oui, j'ai fait les travaux. Ah bah non, mais l'acte authentique, on ne peut pas dire ça. C'est le notaire qui... Non, mais le notaire, il ne monte pas sur le toit, il écoute ce qu'on lui dit. Bah, le notaire a authentifié une situation. Bon, alors okay. Après, je vous laisse finir. Qu'est-ce que vous faites pour Géraldine? D'accord. D'un acte authentique. Que faites-vous pour Géraldine, cliente de Ceinturé 21, qui a acheté une maison, donc qui se retrouve avec cette toiture? Évidemment, je suis à sa disposition avec grand plaisir pour en échanger. Il faudrait qu'on ait une expertise. Cet orage, est-ce que cet orage a vraiment très endommagé, comme on le voit très régulièrement dans les informations, les intempéries ont des conséquences très souvent dramatiques. Donc, est-ce que c'est l'orage qui a entraîné... Bon, eh ben d'accord, on fait ça. Suivons ce dossier parce qu'il est vraiment passionnant pour tous ceux qui nous écoutent. C'est même, je pense, le thème qui intéresse le plus aux auditeurs. Géraldine, madame va vous parler. Allô? J'aimerais juste dire une seule chose. Oui. C'est que, en effet, si tout le monde l'a vu, les couvreurs, les différents couvreurs qui sont intervenus sur cette maison, ont tous relevé une seule chose. C'est que, comment vous pouvez avoir des visseries complètement rouillées dans les placos si la fuite d'eau ne correspondait simplement qu'à... Géraldine, permettez-moi de vous couper, mais c'est votre parole. Voilà, cette dame, écoutez-moi tous, s'il vous plaît, parce que là, chacun, on peut parler deux heures. Géraldine, soyez sympa. Madame vient de nous dire quelque chose d'important. On veut vérifier, discuter avec elle, on va voir comment le dossier est traité. Donc, Géraldine, madame va vous parler hors antenne, je vais vous la passer. Elle va, je suppose, vous donner un rendez-vous. On va faire un point maintenant toutes les semaines sur ce dossier pour voir, justement, parce que je pense que ça intéresse des milliers de personnes qui ont un achat à faire et qui sont mortes de trouille. Comme vous, de se dire, je vais me faire avoir. J'ai vu une annonce avec marqué très bon état et je me retrouve aujourd'hui avec un appartement inhabitable. Donc, madame, je vous la passe en antenne, vous la recevez et on fait un point. On est quoi? Vendredi prochain, on fait un point et on le fera ainsi de suite pour voir jusqu'au bout, jusqu'où va ce dossier. Mais on le redit maintenant et c'est la conclusion, malheureusement, quelle que soit l'agence, faites très attention, ne faites pas confiance au côté très bon état puisqu'ils ne montent jamais sur le toit et ils ne savent pas ce qu'il y a dessous. Donc, il faut faire marquer peut-être l'agence me stipule. Non, ou demander les factures. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que le toit ou autre chose est entretenu, bon, a été refait, a été rénové, puisque la première phrase de l'annonce est rénové. Donc, madame, merci de nous avoir parlé, madame Martin. Rendez-vous donc vendredi prochain ou peut-être jeudi pour un premier point pour aller jusqu'au bout de ce dossier. D'accord, Bernard? Je récupère les deux personnes. Merci beaucoup. À tout de suite sur RTL. Change. Et pendant les 125 jours au champ, c'est le dîner de Jérôme qui change. Avec les crevettes origine Équateur ou Venezuela à 5,99€ le kilo. 5,99€ Jérôme. Laisse tes papilles s'envoler jusqu'en Amérique du Sud. T'as besoin de vacances, non? Bon, tu vas pas bouger de ta cuisine, mais c'est un début. Jusqu'à demain, vos magasins Auchan et Ontario Marais proposent les crevettes entières cuites réfrigérées 100 à 120 pièces élevées en Équateur ou au Venezuela à 5,99€ le kilo. Et votre dîner change. Auchan. Pour votre santé, évitez de grignoter. Et si on était sûr d'être joignable tout le temps pour ses clients? Tu sais, avec mon forfait mobile Orange Pro, j'appelle mes clients en illimité dans toute l'Europe. Et moi, avec Orange Pro, j'ai jusqu'à 10 heures d'appel vers et depuis l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ben moi, un problème avec mon mobile? J'ai une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en France comme à l'étranger. Bon ben, on part travailler au soleil. Avec les forfaits Performance Pro, profitez d'un forfait mobile pour les pros avec une assistance adaptée à vos besoins. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr. Pendant ce temps chez Renault, ah, top! Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus Renault vous offre jusqu'à 5 500€ en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5 500€ en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace Neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Le Leclerc. Juliette, tiens-toi prête. Leclerc nous invite à vivre Légende de la Force, une célébration Star Wars à Disneyland Paris. Comment ça, mon commandant? En participant au grand jeu concours Disneyland avec des invitations galactiques à remporter et surtout un séjour VIP pour 4 personnes dans le luxe ultime du Disneyland Hotel. Génial! Allons vivre les Légendes de la Force! Du 23 octobre au 15 décembre, participez au grand jeu Disneyland Paris. Dès 30 euros d'achat ou pour 2 produits partenaires achetés. Voir modalités dans les magasins participants et sur www.e.leclerc. En route pour de nouvelles aventures! Tous chez Leclerc! Tiens, encore un texto de maman pour me dire qu'elle a bien reçu les photos de Zoé. Génial! Depuis qu'on leur a offert un smartphone Doro, mes parents sont hyper connectés. Avec son interface simple et intuitive, Doro, c'est la bonne idée cadeau pour garder le contact en famille. Retrouvez toute la gamme des smartphones Doro sur Doro.fr. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi? Mais enfin, c'est ridicule. Je suis plombier. Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Et j'attends vos témoignages. Au 3210, vous avez justement un jour acheté un appartement où il était marqué état impeccable, etc. Vous avez découvert qu'il ne l'était pas du tout. Peut-être avez-vous été jusqu'au bout des choses dans la démarche judiciaire. J'attends vraiment vos témoignages au 3210 ou sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Nous allons donc nous retrouver dans quelques instants avec un nouveau cas inédit. Revenir parce qu'il y aura peut-être du nouveau sur ce cas immobilier. Tout ceci sur RTL. 10h, 1 minute. La formation sur RTL, c'est avec vous, Quentin Vinet. Bonjour. Bonjour à tous. Nordal Lelandais a été extrait de sa cellule ce matin. Le suspect numéro 1 dans l'affaire Maëlys doit être entendu par les juges à Chambéry. Mais pour une autre enquête, celle sur la mort du caporal Arthur Noyer, Nordal Lelandais reconnaît qu'il l'a tué. Il parle d'une bagarre en 2017. C'est la troisième fois qu'il est entendu dans cette affaire. Un avion de la compagnie Ryanair est bloqué ce matin sur le tarmac à l'aéroport de Bordeaux. C'est le département de la Charente qui fait saisir cet appareil pour une affaire de dette, une affaire de subvention selon le journal Sud-Ouest. 525 000 euros que doit la compagnie irlandaise au moment où elle exploitait la liaison Angoulême-Cognac-Londres. François Ruffin soutient le mouvement du 17 novembre. Le député insoumis annonce sur RTL qu'il participera aux opérations de blocage le week-end prochain pour protester contre la hausse des prix du carburant, contrairement à certains de ses camarades de l'Assemblée nationale. « Je ne veux pas laisser ça à Marine Le Pen », dit-il. C'est le chiffre du jour. Les actes antisémites sont en très forte hausse sur les 9 premiers mois de l'année, plus 69%. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'écrit aujourd'hui dans une tribune sur Facebook. 80 ans après la funeste nuit de Cristal, l'opération menée par les nazis contre les juifs en Allemagne et en Autriche. Emmanuel Macron va passer la journée dans le Pas-de-Calais et dans la Somme avant d'entrer à Paris ce soir. Ce sont les deux dernières étapes du périple mémoriel du président qui a commencé dimanche dernier. Le chef de l'État alterne depuis entre le passé et le présent. Il est attendu ce matin dans un centre social de Lens. C'est la région la plus touchée par le chômage dans le pays. Et il sera cet après-midi dans la Somme, lieu marquant de la Grande Guerre, en compagnie de la chef du gouvernement britannique Theresa May. Les dirigeants du monde entier commencent à arriver pour les commémorations de l'armistice dimanche à Paris. La panique ce matin dans les rues de Melbourne en Australie, un homme a poignardé plusieurs personnes et tenté d'attaquer des policiers. L'attaque a fait un mort et des blessés. L'assaillant a été arrêté. Des nouvelles de la Bourse de Paris. Elle est dans le rouge ce matin. Elle ouvre en recul de 0,55 points. Le CAC 40 tourne autour de 5100 points. Le bilan est catastrophique pour les clubs français en Ligue Europe. C'est du football. Les trois équipes engagées dans la compétition sont déjà ou sont quasiment éliminées. Marseille a perdu 2-1 hier soir contre la Lazio. Rennes s'est incliné 3-1 face au Dynamo Kiev. Et Bordeaux n'a pas fait mieux qu'un match nul 1 partout contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Place à la Ligue 1 maintenant avec un match de haut de tableau ce soir entre Lille 3e et Strasbourg 7e en ouverture de la 13e journée. Les chevaux à l'hippodrome de Vincennes aujourd'hui pour le quintet en nocturne. Claude Piersanti vous propose de jouer le 7, le 11, le 10, le 14, le 4, le 9, le 6, l'As et le 2. Je répète, 7, 11, 10, 14, 4, 9, 6, As et 2. Dernière minute, le 11. Le ciel est couvert ce matin dans la plupart des régions avec de la pluie dans le sud-est et une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Attention aux orages dans la région de Nîmes et de Montpellier. Il fait entre 13 degrés à Lille et 20 à Bastia. 10h04 sur RTL. Vous êtes avec Julien Courbet. Merci beaucoup, Quentin. En ce qui nous concerne, dans une seconde, un cas inédit, celui d'Alexia Charlotte. Son conjoint a investi dans un projet de villa pour seniors en 2014. Il devait percevoir les loyers mensuels, mais les villas restent désespérément vides et il n'a pas touché un seul loyer. Eh bien, nous allons avancer en ce qui concerne notre histoire donc de toiture et de cet appartement acheté avec une annonce où il était marqué « rénové, très bon état ». Habitable de suite, et il suffisait de monter pour voir que tout se décollait. D'ailleurs, un auditeur sur Facebook nous a dit, JB, une idée peut-être pour les agents immobiliers. Oui, alors il nous dit, c'est un artisan, il nous dit, ce serait bien peut-être de prendre des drones, d'investir dans des drones pour vérifier justement l'état des toitures. Mais c'est pas complètement idiot, mais encore une fois, je comprends la difficulté du métier d'agent immobilier, il n'est pas question de remettre ça en cause, mais on ne peut pas marquer très bon état. Si vous achetez une voiture et qu'il est marqué voiture en très bon état, et que les freins sont complètement pourris, évidemment que celui qui la vend dira « Mais monsieur, je ne pouvais pas être dans le moteur, moi. » Ben oui, mais ne marque pas très bon état. Dans ces cas-là, marqué « cuisine impeccable, chambre non vérifiée, toiture non vérifiée. » Au moins, celui qui achète sait s'il devra peut-être lui-même payer un expert. Mais on ne peut pas mettre très bon état. Très bon état, ça veut dire que c'est en très bon état et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Oui, je pense que Géraldine a bien compris la position de Century 21, qui reste sur sa position. Pour elle, c'est un vice caché. Oui. À partir de là, elle considère que Géraldine fait ce qu'elle veut. Elle peut lancer une procédure, une expertise judiciaire. Ils seront peut-être présents ou pas, mais elle considère que dans les articles précédents de jurisprudence, les vices cachés n'incombent pas à l'agence immobilière. C'est leur position. Bon. Voilà ce que je vous répète. Dans ces cas-là, n'allons pas plus loin. Géraldine, vraiment, il le faut maintenant. Elle est là, Géraldine ? Elle est là. Oui, bien sûr, je suis là. Géraldine, il faut vraiment que vous meniez, parce que vous allez voir, et on donnera le résultat sur l'antenne d'RTL, parce que c'est tellement passionnant, ça concerne tellement tout le monde. Faites-le, je vous en supplie, mais faites-le vite, Maître Félonneau. Il faut saisir, et je vous conseille de prendre un avocat, le tribunal de grande instance par voie de référé pour demander une expertise judiciaire qui constatera l'état de votre habitation, qui le comparera avec effectivement l'annonce, et ensuite le tribunal décidera si c'est un vice caché ou pas et qui doit vous indemniser si vous méritez indemnisation. Alors nous allons peut-être aussi vous confier les coordonnées de notre expert Sylvain Baron, qui est l'expert. Alors c'est pas un expert judiciaire, non, mais qui déjà va vous en dire un petit peu plus. Mais faites-le vraiment, sinon il n'y a pas d'autre mot, vous l'aurez dans le baba. Oui, donc faites-le et vous allez voir que ça va vraiment avancer votre dossier, d'accord ? Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut se dire que l'on se tient au courant, s'il vous plaît, parce que ce dossier est passionnant ? Oui, bien sûr. Bon, je vous informe dès que possible. Ça marche. On ne manquera pas de vous rappeler. Puis il y a des témoignages qui commencent à arriver au 3210. Donc n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire, moi aussi j'ai acheté une annonce, parfait état, etc. Au bout du compte, ça ne l'était pas. J'étais jusqu'au bout et voilà ce qui s'est passé. Et on donne les résultats sur l'antenne parce que c'est vraiment intéressant. Nous vous épaulerons quoi qu'il arrive dans ce dossier, Géraldine. Nous allons avoir Alexia, donc on l'a dit, dans quelques instants sur RTL. Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 19 novembre, l'Audi A3 Sportback est à partir de 290 € par mois, avec extension de garantie et entretien inclus. Rendez-vous chez votre partenaire Audi. Offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec apport de 2 250 €. Réservé aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Zoco, cuisine équipée. Cuisine en 6 lettres. C-A-D-E-A-U. C'est cadeau. Du 7 au 30 novembre, Zoco vous offre 150 € par tranche de 1 000 € d'achat. Et ça, c'est so wow. Zoco, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Voir conditions sur Zoco.com. Et si on pensait au Roquefort ? Une baguette encore un peu chaude, une pointe de miel, du roquefort déposé, à peine étalé, tout simplement. Et là, tu croques, tu dégustes. C'est tellement bon. Roquefort, le goût haut et fort. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Ah, au fait, chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin, c'est ridicule, je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 11 novembre, profitez de 20 € offerts en bon d'achat par tranche de 100 € pour l'achat d'un PC, d'un téléphone, d'une tablette ou d'un accessoire. Ce sont les ultra connectés qui vont être contents. Mais aussi les fans de bons plans. Conforama, conditions et liste des magasins ouverts le 11 novembre sur Conforama.fr. Jusqu'au 22 novembre 2018, c'est l'opération Collect Box dans votre boutique Carré Blanc. Chaque kilo de linge de maison usagée usagers que vous rapporterez se recyclent en bons d'achat carré blanc de 10 euros. C'est gagnant pour la planète et pour votre budget. Carré blanc, éditeur de linge de maison, révélateur d'inspiration. Voir conditions dans les boutiques participantes et sur carréblanc.com. Collectbox égale boîte de collecte. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL avec un nouveau cas dans quelques instants. Mais là, si vous le voulez bien, nous allons écouter. Mais tiens, je me laisse guider. Envoyez la musique, je le reconnais tout de suite. Ah bah oui, je savais qu'à un moment ou à un autre, on repasserait les compagnons de la chanson. Les voici avec leur plus grand tube. Called you so many times today, and I guess it's all true what your girlfriend say. But you don't ever wanna see me again, and your brother's gonna kill me. Où Sting dit qu'il en a marre d'aller à l'usine. I can't stand l'usine. Et on l'entend bien. Il n'en peut plus. Se lever tôt comme ça pour aller travailler. Alors, au moment donné, il prend sa guitare et le dit I can't stand l'usine. Je ne veux plus. Un travail de bureau irait très bien. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, dans une seconde, parler de quoi, Charlotte? Le conjoint d'Alexia a pris un emprunt de 212 000 euros pour investir dans un projet qui devait être sûr. C'est un projet de villa pour seniors. Depuis 2014, il n'a pas touché un centime. Et du coup, Maître Félonneau n'a même pas pu avoir son appartement. Ah bah oui. Puisqu'elle faisait partie de la liste des gens, des seniors qui voulaient avoir une location. C'est terrible parce que là, on vous promet là aussi des rendements. Il faut faire gaffe. Vous mettez toutes vos économies. Depuis combien de temps il attend ses loyers? 2014. Et ce qu'il y a d'incroyable, Julien, c'est que cet appartement dans lequel j'ai envie d'aller, il est construit. Mais seulement la maison reste vide. Et vous savez pourquoi elle reste vide? Non! Mais vous nous le direz dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Oh là là! Quelle reine du suspense! Et savez-vous pourquoi l'appartement reste vide? Ah ben nous, on aimerait bien le savoir. Eh bien, vous le saurez en restant à l'écoute d'RTL, la première radio de France qui vous dit pourquoi les appartements restent vides. À tout de suite dans le 9h30-11h. J'arrive les filles. RTL. Allô, bonjour, je cherche une citadine pratique et compacte. Bonjour madame, je vous propose Fiat Panda à 5990 euros. C'est une 5 portes ? Oui, 5990 euros avec 5 portes et climatisation. Génial ! Et elle bénéficie de la prime à la conversion ? Évidemment, et du bonus EcoFiat. Mais elle a combien de kilomètres ? Mais elle est neuve madame. Fiat Panda est à partir de 5990 euros, prime gouvernementale et bonus EcoFiat déduit. Offre sous conditions de reprise incluant la prime de conversion de 2000 euros et le bonus EcoFiat 2000 euros jusqu'au 30 novembre. Détails sur fiat.fr. Fiat. Les amis, rendez-vous pour un incroyable week-end sur beIN Sport. Au programme, du grand football européen avec demain un duel au sommet entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Dimanche, vibrez au rythme du Vélodrome avec Olympique de Marseille-Dijon. Et envolez-vous pour San Siro, où l'AC Milan reçoit la Juventus de Cristiano Ronaldo pour un match qui s'annonce bouillant. Et ce n'est pas fini. Vivez les finales ATP de Londres, le HF Champions League de handball et le meilleur de la NBA. Pas de week-end sans champion, pas de week-end sans beIN Sport. Faites les essais sans engagement, voire conditions sur beIN Sport.com. On en parle. Le recyclage est une priorité du ministère de la Transition écologique et solidaire. Première étape, le tri à la maison. On en parle dans un instant. Pendant ce temps, chez Renault... Là, c'est l'effet que cela fait d'estimer la valeur de votre voiture très facilement, rapidement et gratuitement sur Renault.fr, quelle que soit sa marque. Waouh ! Et là, c'est quand vous apprenez qu'en plus, Renault vous offre jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise de votre véhicule pour l'achat d'un véhicule neuf. Jusqu'à 5500 euros en plus de la valeur de reprise pour l'achat d'un Renault Espace neuf du 1er novembre au 31 décembre 2018, estimation finalisée en concession. Offre non cumulable réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. C'est le moment. Le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Ah au fait chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite, tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin c'est ridicule, je suis plombier ! Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf NV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf NV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Moi, je suis moi-même au fil, je fais tout moi-même. Les fleurs, c'est moi. Ah, j'ai la main verte, ça pousse, ça pousse. Bon, la dernière fois, on voyait même plus la maison. Hein. Il m'a fallu 3 heures pour la retrouver. Non, le jardin, c'est moi. Et Gamme Vert. Eh oui, produire soi-même avec Gamme Vert, ça change tout. Et jusqu'au 18 novembre, c'est l'opération coup de pouce chez Gamme Vert. Avec votre troisième sac offert de terreau plantation fertiligène de 60 litres. Gamme Vert, numéro 1 de la jardinerie. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. J'accueille Alexia sur l'antenne d'RTL. Bonjour Alexia. Bonjour Julien. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Alsace. Alors Alexia, racontez aux auditeurs d'RTL votre mésaventure qui commence en 2012. Oui, c'est ça. Alors, en 2012, mon conjoint s'est vu proposer un investissement qui était présenté comme sûr, donc à savoir l'achat d'un appartement dans une petite structure d'accueil qui était destinée à accueillir des personnes âgées et des aidants. Et pour cela, un bail commercial notarié de 18 ans a été conclu avec un groupement de communes. Donc, les locaux leur sont mis à disposition et à charge pour elles de les proposer à la location. Et donc, il y avait un bail commercial qui stipulait expressément que les loyers étaient dus par le groupement, que les résidences soient occupées ou non, et ce à compter de la date d'achèvement et de mise à disposition de la résidence. Et donc depuis cette date, mon conjoint rembourse des échéances de 1500 euros par mois sur 15 ans, sans avoir perçu le moindre loyer, non, puisque les résidences n'ont jamais été habitées. C'est une catastrophe. Alors quand vous appelez le groupement en leur disant « mais il est prévu par contrat que je touche des loyers, que ce soit habité ou pas », qu'est-ce qu'on vous répond ? Alors, ils présentent des obstacles administratifs, ils présentent des difficultés, des difficultés au niveau du département, le fait que les résidences ne soient pas occupées par rapport à un blocage d'agrément, etc. Parce qu'Alexia, permettez-moi, et je le dis sous contrôle de Maître Filono et de Charlotte qui a fait cette enquête et qui va prendre la parole dans quelques instants, c'est pas un indépendant, un privé qui a décidé de faire un petit montage, qui a réussi à trouver des personnes pour le financer. Là, on parle de communes, etc., Charlotte. Oui, c'est bien ça. C'était un groupement qui devait s'occuper de toute la gestion de ces résidences, trouver à la fois les résidents et le personnel pour s'en occuper. Si maintenant les communes commencent à se dire, on va faire des projets, chers habitants, en tant que maire, on va monter une maison, je garantis les loyers, qui ne le fait pas et qui plante ses propres administrés, alors là, si on commence à mettre le bras là-dedans, Maître Fellon, nous, on est mal. Oui, mais malheureusement, c'est ça. Et alors, donc, la raison de cette inoccupation, c'est qu'il y a un personnel pour accueillir et être là sur place. D'ailleurs, il y a deux logements de fonction qui sont prévus au premier étage, les résidents étant au rez-de-chaussée. Et figurez-vous que ce personnel doit être agréé. Et que cet agrément, eh bien, le groupement des communes n'arrive pas à l'obtenir. Mais ça fait 4 ans. C'est avant quand même qu'on s'en occupe un petit peu, non ? Je vous manque. Alors là, quand vous concevez une voiture, vous voilà. Vous assurez d'abord qu'elle va passer aux fameuses, je ne sais plus comment ça s'appelle, les mines ou je ne sais pas quoi, pour oui. savoir si elle va être validée avant de la vendre. Mais me évidemment, semble-t-il. Le groupement a été créé, Julien, en 2009. Donc, ils ont persuadé ensuite un promoteur et puis des acquéreurs comme le mari d'Alexia d'acheter ses appartements et qui n'a été livré qu'en 2014. Donc, ce que votre réflexion est vraiment pertinente, non, c'était avant qu'il fallait avoir l'agrément. Là, en fait, mais ça fait 4 ans qu'il cherche à l'avoir, c'est alors, absolument incroyable. Dans quelle situation financière est-il maintenant, votre conjoint, Alexia ? Eh bien, alors, c'est très difficile puisqu'il honore depuis 4 ans un prêt, donc qui occupe à lui seul la moitié de son salaire et qui aujourd'hui impacte lourdement notre foyer puisque nous sommes jeunes parents d'un petit bébé de 8 mois et là, on commence à avoir beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Oui. Bon, j'appelle dans une seconde. Un mot, Charlotte. Oui, sachez que cette résidence dans laquelle il a investi, ça devait être une première résidence dans le département, une sorte de test. Ça n'a pas marché et pourtant, ça ne les a pas empêchés d'en ouvrir 3 autres dans le département, 3 autres qui ne fonctionnent pas non plus. Bon, une vingtaine d'investisseurs sont concernés. J'ai notamment une personne au téléphone qui m'expliquait qu'il ne touchait rien non plus, qu'il faisait tout pour aider les gestionnaires de ces appartements à trouver des résidents et du personnel, mais que rien n'avançait. Une catastrophe. Eh bien, nous avons, je crois, mis le doigt grâce à Charlotte sur un énorme dossier. Vous me laissez préparer les numéros et nous allons téléphoner dans quelques instants pour essayer d'avoir des explications après avoir écouté le Song for a Dream. 4e extrait de l'album 13, triple disque de platine pour Indochine, dont le 13 tour triomphe encore sur scène toute cette fin d'année. Indochine sur RTL avant l'appel. J'aimerais te voir guérir, j'aimerais te voir.

C'est tous les jours qu'il vous faut des prix bas. Voir conditions en magasin ou sur castorama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous lançons l'appel dans cette histoire rocambolesque, Charlotte, dont vous nous rappelez les tenants et les aboutissants. Le conjoint d'Alexia a voulu investir dans un projet immobilier qui devait lui apporter un complément de revenu. Depuis 4 ans, les appartements restent vides et il ne touche aucun loyer. Allez, appelons donc le maire d'une commune qui est l'administrateur. Donc grosso modo, la commune dit à des promoteurs, construisez-moi des maisons seniors. Le promoteur un dit un groupement de communes. Le promoteur dit, ben, allô, bonjour monsieur Schmitt. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur Schmitt. Je vous appelle parce que ce matin, nous essayons de comprendre ce qui arrive à cette personne. Alors, elle n'est pas seule, mais nous avons Alexia Baradel qui, vous savez, a investi dans le projet de construction de la villa d'accueil pour seniors, où il était spécifié qu'une fois qu'elle aurait donné 220 000 euros, eh bien, elle serait sûre de toucher des loyers, que les appartements soient occupés ou ne soient pas occupés. Et maintenant, elle est complètement plantée parce qu'apparemment, depuis quelque temps, jamais les loyers ne sont arrivés pour la bonne et simple raison, nous dit-elle, que vous n'avez pas eu l'agrément. Alors, on voulait savoir si c'était vrai. Elle appelle pour son conjoint Guillaume Muller. Oui. Alors, les agréments ont été délivrés au mois de mai de cette année. Oui. Qui a permis de déclencher les opérations de recrutement de résidents. Et donc, a priori, la situation devrait pouvoir se débloquer. Mais les propriétaires de quelle villa ? Parce qu'on en a plusieurs. Je sais bien, monsieur, mais enfin, vous vous rendez compte quand même, monsieur, qu'elle a commencé à payer. En quelle année, Alexia, votre conjoint a-t-il donné les 220 000 euros ? À partir de 2014. De 2014. Et il devait toucher à partir de quand les loyers ? À partir du mois de juillet 2014, à la date d'achèvement et de mise à disposition de la résidence. Et comment on fait, monsieur, pour rembourser pendant toutes ces années un crédit quand il n'y a pas un centime qui entre? Comment se fait-il qu'on ait pu lancer ce programme sans avoir l'agrément? Ouais. Il y a une clause du contrat qui stipule que les loyers tomberont à partir du moment où tous les agréments et autorisations auront été délivrés. Ah, ça c'était fin. Vous le saviez, ça, Alexia? Non, pas du tout, parce que cela fait un moment qu'on nous promet que les résidences vont être prochainement occupées, qu'il était même question, au bout d'un an d'impayés, de réaliser un prêt à peu près de 100 000 euros pour rembourser ces fameux impayés. Donc, c'est que la commune, enfin le groupement a conscience qu'il y a un problème. Et lorsqu'on leur propose des solutions, justement, pour rembourser ces gros impayés, eh bien, c'est constamment repoussé en nous disant on va attendre que les villas soient occupées. Mais elles ne le sont jamais et ça fait des années qu'on attend, voilà, qu'il y a des fausses promesses sur fausses promesses. Non, mais c'est surtout là, des drames financiers. Maître Felloneau. Oui, monsieur, moi, j'entends ce que vous dites. Alors, je suis contente qu'au bout de 4 ans, vous ayez quand même eu votre agrément. Mais vous dites que vous allez recruter les résidents. Or, la mère de monsieur Muller a appelé la mairie de la commune où se trouve sa villa. Et la mère lui a dit « Ah non, mais je prends même pas les candidatures, ça va pas ouvrir avant des lustres !» Alors là-dessus, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il de nous appelle. De quelle mairie s'agit-il ? Mac-Villers. Et là où est l'achat de monsieur Muller, c'est une des résidences seniors. Alors pouvez-vous nous donner des explications, monsieur ? Non, mais surtout une date. À voilà. Partir de quand elle va toucher les loyers, monsieur ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupement qui a pris en charge ces résidences se heurte forcément à une difficulté financière à partir du moment où les villas ne sont pas complètes et le concept a été construit sur cette base-là. Nous, on a régulièrement tenu à informer les investisseurs pour leur expliciter les difficultés qu'on rencontre pour l'ouverture des villas. Une fois les autorisations délivrées, on a mis en place une campagne de recrutement des résidents et des accueillants qui bénéficient d'un agrément. Donc tout ça a pris beaucoup de temps, effectivement. Et pour nous, l'idée, c'est que dès que les villas seront en fonctionnement, c'est de revenir vers les propriétaires pour leur faire une proposition de transaction pour financer les arriérés. Et voir sous quelle forme on peut rattraper tout ça. Maître Felloneau. Oui, parce que monsieur, excusez-moi de vous couper la parole. Moi, je lis l'article 3 de votre convention. Le bail est consenti pour 18 ans et ces 18 ans commencent à courir à compter du 15e jour suivant la livraison des locaux permettant l'exploitation. Donc, que ce soit occupé ou pas. Et or, les clés, vous les avez. Vous avez eu la livraison en juillet 2014. Donc, les loyers courent. Et vous avez en face de gens, en face de vous, des gens qui ont tout à fait compris votre situation. Mais comme vous le dites si bien, bon, il y a des arriérés. Dernière question, monsieur. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu l'agrément ? Ah, c'est des problèmes juridiques où les services de la préfecture ont considéré que l'agrément initial de 2009 n'était pas conforme et ont rectifié cet agrément quelques jours avant l'ouverture, en plus, de la villa d'accueil de... Mais vous l'avez depuis quand, alors, l'agrément ? Depuis mars, c'est ça, vous nous avez dit ? Depuis mai. Depuis mai. Depuis le mois de mai. Et alors, pourquoi il n'y a pas de personnel ? Parce qu'on a en gestion 4 villas, et donc on a ouvert les deux premières, justement pour pouvoir avoir les ressources. Elles sont ouvertes, les deux premières, donc elles tournent. Elles tournent, mais avec un seul résident. Donc, avec un résident, elles contiennent combien de personnes ? En potentiel, 6. D'accord. Charlotte, vous vouliez dire ? Oui, non, les personnes que j'ai contactées m'ont confirmé effectivement qu'il n'y avait pas, que certes, les villas pouvaient ouvrir en au moins 3, mais qu'il n'y avait pas de résidents. Donc, finalement, les loyers n'étaient pas plus perçus. Enfin, je sais pas, si vous vous rendez compte, monsieur, dans quoi vous avez envoyé quand même les gens, là, parce que c'est 200 000 euros à rembourser alors qu'il n'y a pas un centime qui rentre. Elle vient d'avoir un bébé, cette dame, ça va faire des drames financiers, ça. Hein. Oui, monsieur Courbet. Les communes qui ont accepté d'intégrer le groupement, on leur avait livré un produit soi-disant clé en main qui devait fonctionner. Alors, par qui vous êtes-vous fait avoir ? Qui vous a, vous êtes fait berner par qui, vous, alors ? Oh, je ne dirais pas fait berner. Alors, vous êtes fait influencer par qui, monsieur ? En tous les cas, c'est les porteurs de projet. Hein, qui est le porteur de projet ? C'est Maison Eden, dans le Haut-Rhin. Allez, c'est parti, on va essayer de les joindre pour avoir leur version des faits. Bon, écoutez, monsieur, nous, on va continuer d'avancer, mais là, on est vraiment très touchés par ce dossier et par ces gens-là qui sont à l'agonie. 220 000 euros à rembourser alors qu'il n'y a pas le moindre loyer, alors qu'on leur a dit donner 220 000 euros. Vous serez sûr d'avoir un loyer, qu'il y ait quelqu'un ou pas. Un dernier mot, Maître Fellonneau. Moi, je ne vous suis pas du tout, monsieur Schmitt, étant donné que des résidences seniors, ils s'en ouvrent maintenant dans beaucoup de villages. Pourquoi ? Pour que les familles restent unies, restent dans leur village, qu'elles puissent, même les commerces de proximité, c'est une manne et ça empêche la désertification de régions entières. Ce projet, il n'est pas original, c'est pas un projet qui est inconsidéré. C'est le manque d'agrément dont la demande vous incombe à vous. Je suis désolée. Monsieur Schmitt, on va essayer d'avoir d'autres interlocuteurs. Si vous avez le temps, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, on continuera. Vous êtes maire, je le rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion, de Hörmingen. Et nous allons voir maintenant, vous essayez d'appeler de votre côté, Bernard. Il nous faut le promoteur et la deuxième mairie. Promoteur, ça ne répond pas ? Le promoteur ne répond pas. La deuxième mairie non plus pour l'instant. Alors, nous essayons d'avoir Sylvain Indry. Sylvain Indry, vous êtes le promoteur de Maison Eden. Donc, visiblement, ce monsieur semble dire ben nous, ce promoteur nous a dit ça va marcher tout de suite, etc. Merci Sylvain Indry de Maison Eden à Wittenheim de bien vouloir nous rappeler. Ne vous inquiétez pas, Alexia, on ne lâche pas l'affaire. C'est une grosse enquête qui va demander du temps. Il y aura quelqu'un, Céline, qui est en ligne. Je suis avec les promoteurs. Ah, parfait. Allô, bonjour. Maison Eden ? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que monsieur Indry est là ? Alors, juste un instant, merci. Merci beaucoup. Vous récupérez, on se retrouve dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Vous l'avez entendu, il pourrait y avoir dans quelques instants le promoteur, puisque monsieur Schmitt, le maire, semble nous dire, nous, on a été... On nous a vendu du rêve. Alors, on a dit aux gens de la commune, allez-y, investissez. Et j'ai l'impression que tout le monde se renvoie la balle. On va se retrouver dans une seconde dans le 9h30, 11h d'RTL. Marc, client Netatmo. On peut être retraité et s'intéresser aux nouvelles technologies, surtout quand elles sont utiles à mon confort et à mon porte-monnaie. J'ai installé facilement le thermostat et les têtes thermostatiques intelligentes Netatmo sur mes radiateurs. Bah depuis, il fait bon vivre à la maison. On ne perd plus de temps à régler le chauffage. Et ma femme ne se plaint plus d'avoir trop froid quand moi j'avais trop chaud. Avant, ça chauffait entre nous. Maintenant, ça chauffe, mais pour nous. Comme Marc, choisissez Netatmo. Des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com.

a commis une faute pour qu'on en arrive là. Et quel est le responsable? Puisqu'il n'y a pas l'agrément, personne ne se renseigne avant pour savoir en quoi consiste l'agrément, comment va-t-on faire pour l'avoir? Mais l'agrément, nous l'avions. L'agrément, les communes l'avaient. Sauf au niveau de la préfecture, avant l'ouverture, nous on est partis avec un agrément et nous avons délivré les bâtiments conformément. Vous aviez l'agrément, alors pourquoi vous ne l'avez plus? Mais c'est pas moi qui ai l'agrément, c'est le groupement. Donc le groupement, quand vous avez construit, vous a dit j'ai un agrément, faites-moi des maisons, et voilà. Après vous ont dit finalement on l'a plus. Mais on a exactement le même principe. Nous construisons aussi ce type de villa. Excusez-moi, mais on ne comprend rien. Expliquez-moi pourquoi il y avait un agrément et qu'il n'y a plus d'agrément, s'il vous plaît, monsieur. Ça, il faudrait voir avec le groupement. C'est pas l'agrément est reçu. Vous l'avez vu l'agrément quand vous avez lancé la construction. Alors on va appeler la préfecture parce que là, il y a des gens qui sont plantés. On entend parce qu'on a eu tout à l'heure Monsieur Schmitt qui dit ben nous on a fait confiance à Maison Eden. Monsieur Courbet, la preuve, c'est que dans le Haut-Rhin, exactement le même principe fonctionne. Oui, je sais pas. La villa est pleine et les gens reçoivent leur loyer. Mais bien sûr. Donc voilà, il y a ce mystère de l'agrément. On appelle la préfecture dans une seconde. Vous ne savez pas encore aujourd'hui s'ils vont toucher leur argent ou pas parce qu'ils sont plantés. Le bail est entre le groupement et les propriétaires. D'accord. Et moi, j'en suis. Vous-même victime puisque vous avez un appartement. Je suis propriétaire ainsi que quelques personnes de ma famille sont propriétaires et on n'a toujours rien touché ce jour à titre privé. D'accord. Alors on va essayer de percer le mystère de l'agrément. Là, ce que je comprends, c'est que vous, quand vous êtes lancé dans la construction, il y avait vraiment un agrément, que cet agrément a disparu et on ne sait pas pourquoi. C'est ce qu'il faut essayer de savoir. Si je me permettrai de vous retéléphoner, Monsieur André, dès que j'ai un petit peu de nouveau, d'accord ? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur André. Vous vous rendez compte quand même que là, on marche sur la tête. C'est un truc de dingue. 220 000 euros. Qu'est-ce qui s'est passé là derrière? Il nous faut absolument avoir la préfecture. Je compte sur vous, Charlotte, pour que lundi matin, vous savez que j'arrive très tôt, l'émission est à 9h30, lundi matin, écoutez-moi bien, tant pis pour vous si ça vous fait lever plus tôt, mais à 9h29, quand j'arrive bien avant pour préparer l'émission, je veux des explications. Il y en aura. Donc on va appeler la préfecture. Cas de dingue, mesdames et messieurs, nous n'allons pas lâcher l'affaire. Lundi, nous y revenons, gros dos. J'ai deux choses à voir avec vous. La première, c'est que dans une seconde, je vais avoir Paul Charles, le président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. D'ailleurs, on peut peut-être le prendre très rapidement. Il est là. Bonjour, Paul Charles. Il est là. Bonjour, Julien. Pour ceux qui n'étaient pas là, rappelons que grâce à l'extrême générosité des meilleurs auditeurs de France, ceux d'RTL, nous avons financé 25 000 euros la formation d'un chien qui devient la mascotte de l'émission. Il s'appelle Napo. Alors, il y a une petite vidéo qui vient d'arriver sur le Facebook. La page, elle peut vous arriver. Puisqu'on a dit qu'on donnerait des nouvelles. Où en est Napo de sa formation? Alors, Napo, il est rentré dans la phase active de sa formation. Bien sûr, après, on lui apprend les différents ordres. Mais aujourd'hui, on commence à lui demander de rechercher un siège libre pour son futur maître de chien guide. Pourquoi ça? Parce que lorsque ce futur utilisateur va rentrer dans un bus, il faut que le chien lui trouve une place pour qu'il puisse s'asseoir. Et ça, c'est la première des éducations qu'on nous demande à notre chien. Et là, on voit la petite vidéo où la guide est en train de lui expliquer, lui montrer un siège vide pour qu'il l'identifie. Voilà. Donc ça veut dire que la personne non-voyante va lui donner un ordre, un mot-clé, va me chercher un siège. Elle va lui demander siège, le chien va trouver le siège libre, il va poser son museau sur le siège libre et indiquer par là même à son maître que la place est disponible. Fantastique. Bon, on continue à suivre ça avec vous. Merci pour tout ce que vous faites encore et une fois. C'est moi qui vous remercie encore pour tous. Et allez voir cette petite vidéo, où on voit Napo en train de sentir un siège et de dire, ok, il est vide, j'ai compris que c'était celui-là qu'il faudra que je signale à mon maître. Merci, monsieur Charles. Merci, Julien. Merci aux auditeurs encore une fois. Mais bien sûr. Merci. À la semaine prochaine pour l'évolution de Napo, notre mascotte, ce petit toutou. J'ai qu'une envie, c'est aller le caresser, le Napo. Ouais. Il faut vraiment qu'on organise ça. Merci, bon week-end, monsieur Charles. À tout de suite. Merci, Julien. À très bientôt à tout le monde. De quoi parle-t-on dans une seconde? C'est votre enquête, Charlotte. Alors dites-moi vite en une seconde. On va parler d'une méthode de certains dépanneurs pour convaincre leurs clients de payer des factures salées. Ça, c'est formidable parce qu'elle a réussi à avoir un professionnel qui lui dit, écoutez, ma petite dame, on va faire une petite escroquerie à l'assurance. Je vais vous expliquer. On fait ça tous les jours. Alors, et vous voulez un mec qui a de l'expérience dans le domaine, vous êtes tombé sur la bonne personne. C'est sur RTL, à tout de suite. Bon week-end. Des

contre le trafic de drogue. Sachez que la fraude à l'assurance est une escroquerie punie d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans et de 375 000 euros d'amende. Eh bien, merci beaucoup Charlotte. Faites très attention, ça peut vous retomber dessus. Comme vous l'avez dit, c'est pour éviter les factures salées. Donc, je le redis, pour votre santé, évitez les factures salées et mangez 5 fruits et légumes par jour. Dans une seconde, le point info sur tout ce qui s'est passé. Il y a d'énormes dossiers en cours. Si j'ai un conseil à vous donner, suivez cette émission comme un feuilleton. Soyez là lundi matin, il y aura des retours sur les gros dossiers. C'est à Deauville, samedi soir, où je vous donne rendez-vous à 20h30 pour le One Man Show Casino de Deauville. Je vais y mettre le feu, mais évidemment, c'est une image. Je ne vais pas venir avec des allumettes et de l'essence. C'est par le rire que je vais mettre le feu. Venez, venez me voir sur scène, on va s'éclater. Casino de Deauville, donc, ce samedi soir. Après, on sera au Casino d'Anguin. Je crois que ce sera le 1er décembre. Mais là, nous réagissons à l'actualité avec la bellissima Maître Felona. RTL, c'est dans l'actualité et ça vous concerne. Et les amendes pleuvent en ce qui concerne ceux qui font du Airbnb avec leurs appartements. Oui, notamment dans les grandes villes telles que Paris, Lyon, Bordeaux et Nice. Parce que les petits malins qui essayent de se faire de l'argent, eh bien ça leur coûte. Voilà pourquoi vous avez le droit de faire du tourisme, vous savez, meublé par en utilisant des sites comme Airbnb. Pour votre logement principal, c'est limité à 120 nuits. Et au-delà, on considère que ce n'est plus une résidence principale et que vous faites du meublé de tourisme. Et on est susceptible de vous reclasser votre logement. Pour ceux, et ça coûte cher, pour ceux qui, eux, investissent et sont quasiment des professionnels, ils achètent un petit appartement par exemple à Paris, et ils ne font que ça. Mais évidemment, il faut se déclarer. Si vous ne vous déclarez pas, si c'est une activité, eh bien vous êtes susceptible de payer jusqu'à 50 000 euros d'amende. Il y a une moyenne de 12 000 euros d'amende par les payés qui ont été payés par chaque propriétaire de ces logements-là. Et je tiens à vous dire qu'à Paris, non seulement il faut vous enregistrer comme tout à chacun et avoir une autorisation, mais pour obtenir cette autorisation, on vous dit, c'est le principe de la compensation. Ah, vous voulez faire du meublé de tourisme ? Eh bien, vous allez acheter à part des bureaux et vous allez les transformer en logements pour avoir le droit de faire cette activité. Sûr. Attention, ça peut coûter très cher. Merci beaucoup. Ça n'empêche que ce système Airbnb est un système qui fonctionne bien et qui est chanté par les plus grands. Airbnb. À tout de suite sur RTL. On en parle. Le recyclage, c'est l'affaire de tous et nous pouvons tous y contribuer. On en parle avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et Julie, bonjour. Bonjour. Alors, vous dites être une mère de famille éco-responsable. Oui. Ça se traduit comment au quotidien ? Eh bien d'abord, on fait attention à ce qu'on consomme. Et puis à la maison, on trie systématiquement les emballages et les papiers. D'accord. Et pour tout ce qui est ampoules, piles, vêtements, électroménagers, meubles, on rapporte. Et c'est pareil pour les médicaments qu'on n'a pas utilisés, je les rends à la pharmacie. C'est pas un peu compliqué tout ça ? Vous savez, c'est juste une question d'habitude.